Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Lecture d'enfance. Aujourd'hui, Catherine Sauvage lit Dialogue de bête de Colette. Le perron au soleil, la sieste après déjeuner. Toby Chien et Kiki la Doucette gisent sur la pierre brûlante. Un silence de dimanche. Pourtant, Toby Chien ne dort pas, tourmenté par les mouches et par un déjeuner pesant. Il rampe sur le ventre, le train de derrière aplati en grenouille, jusqu'à Kiki la Doucette, fourrure tigrée, immobile. Toby Chien. Tu dors ? Vis-tu seulement ? Tu es si plat. Tu as l'air d'une peau de chat vide. Kiki la Doucette, voix mourante. Laisse. Tu n'es pas malade ? Non, laisse-moi. Je dors. Je ne sais plus si j'ai un corps. Quel tourment de vivre près de toi. J'ai mangé. Il est 2 heures. Dormons. Je ne peux pas. Quelque chose fait boule dans mon estomac. Cela va descendre, mais lentement. Et puis ces mouches. La vue d'une seule tire mes yeux hors de ma tête. Mais comment font-elles ? Je ne suis que mâchoire hérissée de dents terribles, entend les claquer, et ces bêtes damnées m'échappent. Hélas, mes oreilles ! Hélas, mon tendre ventre bistré, ma truffe enfiévrée, là, juste sur mon nez, tu vois ? Mais comment faire ? Je louche tant que je peux. Il y a 2 mouches maintenant ? Non, 1 seule. Non, 2 ! Je les jette en l'air comme un morceau de sucre. C'est le vide que je happe. Je n'en puis plus. Je déteste le soleil et les mouches et tout. Oh. Catherine Sauvage, vous avez choisi de nous lire un extrait de Dialogue de bête de Colette. Est-ce que vous vous souvenez à quel âge vous avez pu lire ce livre ? Vous savez, j'ai pas beaucoup de mémoire. Enfin, quand je dis que j'ai pas beaucoup de mémoire, j'ai une mémoire qui n'enregistre pas très bien les dates. Je confonds un peu tout. Je ne sais pas. Je pense que je devais avoir 10 années. Oui, je pense 10 années. Et c'est vous qui l'avez lu ou on vous l'a lu ? Quelqu'un vous l'a lu ? Non, personne ne me lisait rien. Je lisais tout à partir du moment où j'ai su lire. À partir de l'âge de 5 ans, je crois que ma plus grande occupation a été de lire. Comme j'étais enfant unique et que mes parents travaillaient, on me laissait beaucoup livrer à moi-même et je lisais énormément. Et donc, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Je lisais beaucoup. Est-ce que vous vous souveniez où vous lisiez ? Dans quel endroit ? Dans ma chambre. Dans ma chambre, couchée par terre ou couchée sur mon lit, ou l'été couchée dans un pré, ou... Enfin, j'ai presque toujours lu couchée. On vous a jamais raconté d'histoire pour vous endormir ? Oh oui, quand j'étais très très petite, quand je ne savais pas encore lire, quand j'avais 2-3 ans, on me racontait des histoires qui duraient très longtemps parce que je mettais très longtemps à m'endormir, parce que j'étais très curieuse et que si on me racontait des histoires un peu extravagantes, j'avais un grand souci de la logique. Alors je disais, mais enfin, voyons, Tantine, t'as jamais vu un petit garçon avec des cheveux verts, ou t'as jamais vu... Alors c'était infernal, parce que quand on essayait de me faire dormir l'après-midi, par exemple, on risquait d'y passer l'après-midi entière, si on voulait me raconter quelque chose. Kiki la Doucette assis, les yeux pâles de sommeil et de lumière. Tu as réussi à m'éveiller. C'est tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Mes rêves sont partis. À peine sentais-je à la surface de ma fourrure profonde les petits pieds agaçants de ces mouches que tu poursuis. Un effleurement, une caresse parfois ridée d'un frisson, l'herbe inclinée et soyeuse qui me revêt. Mais tu ne sais rien faire discrètement. Ta joie populacière encombre, ta douleur cabotine gémit. Méridional, va. Si c'est pour me dire ça que tu t'es réveillée. Que tu m'as réveillée. J'étais mal à l'aise. Je quêtais une aide, une parole encourageante. Je ne connais point de verbe digestif. Quand je pense que de nous deux, c'est moi qui passe pour un sale caractère. Mais rentre un peu en toi-même, compare. La chaleur t'excède, la faim t'affole, le froid te fige. Je suis insensitif. Dis un énergumène. Non, je ne le dirai pas. Toi, tu es un monstrueux égoïste. Peut-être. Les deux pattes, ni toi, n'entendent rien à l'égoïsme, à celui des chats. Ils bâtissent ainsi, pêle-mêle, l'instinct de préservation, la pudique réserve, la dignité, le renoncement fatigué qui nous vient de l'impossibilité d'être compris par eux. Chien peu distingué, mais dénué de parti pris, me comprendras-tu mieux? Le chat est un hôte et non un jouet. En vérité, je ne sais en quel temps nous vivons. Les deux pattes, lui et elle, ont-ils seuls le droit de s'attrister, de se réjouir, de laper les assiettes, de gronder, de promener par la maison une humeur capricieuse? J'ai moi aussi mes caprices, ma tristesse, mon appétit inégal, mes heures de retraite rêveuses où je me sépare du monde. Je t'écoute. Et je te suis avec peine car tu parles compliqué, un peu au-dessus de ma tête. Tu m'étonnes. Ont-ils coutume de contrarier ta changeante humeur? Tu miaules, on t'ouvre la porte. Tu te couches sur le papier sacré qu'il gratte. Il s'écarte, ô merveille, et te livre sa page déjà salie. Tu déambules, le nez froncé, la queue en balancier, agité de secs mouvements, visiblement en quête de méfaits. Elle t'observe, rit, et il annonce la promenade de dévastation. Alors, d'où vient que tu récrimines? Kiki la Doucette de mauvaise foi. Je ne récrimine pas. D'ailleurs, les subtilités psychologiques te demeureront à jamais étrangères. Ne parle pas si vite. Il me faut le temps de comprendre. Il me semble... Ne te presse pas. Ta digestion en pourrait pâtir. Tu as raison. J'ai de la peine à m'exprimer aujourd'hui. Voici. Il me semble que de nous deux, c'est toi qu'on choisit. Et cependant, c'est toi qui te plains. Logique de chien. Plus on me donne, plus je demande. C'est mal. C'est de l'indiscrétion. Non. J'ai droit à tout. À tout? Et moi? Tu ne manques de rien, j'imagine. De rien? Je ne sais. Au moment où je suis le plus heureux, une envie de pleurer me serre les côtes. Mes yeux se troublent. Mon cœur m'étouffe. Je voudrais, à ces minutes d'angoisse, être sûr que tout ce qui vit m'aime, qu'il n'y a nulle part dans le monde un chien triste derrière une porte, et qu'il ne viendra jamais rien de mauvais. Et alors, il arrive quoi de mauvais? Oh, tu ne l'ignores pas. C'est fatalement à cette heure qu'elle survient, portant une fiole jaune où nage l'horreur, tu sais, l'huile de ricin. Perverse, insensible, elle me maintient entre ses genoux vigoureux, desserre mes dents. Serre les mieux. Mais j'ai peur de lui faire du mal. Et ma langue épouvantée connaît enfin la fadeur visqueuse. Je suffoque, je crache, ma pauvre figure convulsée agonise. Et la fin de ce supplice est longue à venir. Tu m'as vu après me traîner mélancolique, la tête basse, écoutant dans mon estomac le glou-glou malsain de l'huile et caché dans le jardin ma honte. Tu la caches si mal. Mais c'est que j'en ai pas toujours le temps. Il a voulu, j'étais petit, me purger avec l'huile. Je l'ai si bien griffée et mordue qu'elle n'a pas recommencé. Elle a cru une minute tenir le démon sur ses genoux. Je me suis roulée en spirale, j'ai soufflé du feu, j'ai multiplié mes 20 griffes par 100, mes dents par 1000, et j'ai fui comme par magie. Je n'oserais pas. Je l'aime, tu comprends. Je l'aime assez pour lui pardonner même le supplice du bain. Oui ? Dis-moi ce que tu ressens. La seule vue de ce qu'elle te fait dans l'eau me remplit de frissons. Hélas, écoute et plains-moi. Quelquefois, lorsqu'elle est sortie de son bassin de zinc, vêtue de sa peau toute seule, une peau sans poil et douce que je lèche avec respect. Elle n'en remet pas tout de suite ses peaux de linge et d'étoffe. Elle reverse de l'eau chaude, y jette une brique brune qui sent le goudron et dit « Toby !» Cela suffit. Mon âme me quitte déjà, mes jambes flageolent. Quelque chose sur l'eau brille, qui danse et m'aveugle. Une image en forme de fenêtre tortillée. Elle me saisit, pauvre corps évanoui que je suis, et me plonge. Dieu, dès lors je ne sais plus rien. Je n'espère qu'en elle. Mes yeux s'attachent aux siens, durant qu'une tiédeur étroite colle à moi, épiderme sur mon épiderme. Brique mousseuse, odeur de goudron, eau piquante dans mes yeux, dans mes narines, naufrage de mes oreilles. Elle s'excite. Elle m'étrie d'un cœur allègre, âne, rit. Enfin, c'est le sauvetage. Le repêchage par la nuque, pattes battant l'air et cherchant la vie. La serviette rude, le peignoir où je goûte une convalescence épuisée. Kiki la Doucette impressionnée au fond. Remets-toi. Oh, dame, rien que de le raconter. Mais toi-même, si narquoisement curieux de mes malheurs, ne m'es-tu pas apparu un jour, terrassé sur une table de toilette, au-dessous d'elle, qui, armée d'une éponge, Kiki la Doucette, très gênée, queue battante. Une vieille histoire. Ma culotte de zouave était salie, elle a voulu la nettoyer. Je l'ai persuadée que je souffrais atrocement sous l'éponge. Que tu es menteur. Elle t'a cru. Pas tout le temps. C'est de ma faute. Renversée sur le dos, j'offrais le ventre candide, les yeux pardonnants et terrifiés d'un agneau à l'autel. Je perçus, à travers ma culotte floconneuse, un fraîchissement à peine, puis rien d'autre. L'épouvante me prit. Je craignis ma sensibilité abolie. Mes gémissements rythmiques s'enflèrent, puis décrurent, tu connais la puissance de ma voix, puis montèrent encore comme une clameur marine. J'imitais le petit veau, l'enfant fouetté, la chatte en amour, le vent sous la porte, grisé peu à peu de mon propre chant. Si bien qu'elle avait depuis longtemps fini de me souiller d'eau froide et que je gémissais encore les yeux au plafond devant elle, qui riait sans tact et criait « Tu es menteur comme une femme !» Ça, c'est embêtant. Je lui en ai voulu pendant toute une après-midi. Oh, pour bouder, tu t'en acquittes. Moi, je ne peux jamais. J'oublie les injures. Et tu lâches la main qui te frappe, connue. Je lèche la main qui... Oui, c'est tout à fait comme tu dis. C'est une jolie expression. Elle n'est pas de moi. La dignité ne t'étouffe pas. Ma parole, souvent j'ai honte pour toi. Tu aimes tout le monde. Tu accueilles d'un derrière-plat toutes les rebuffades. Ton cœur est avenant et banal comme un jardin public. N'en crois rien, mal élevé. Tu te trompes, toi, l'infaillible, aux manifestations de ma politesse. Voyons, franchement, veux-tu que je gronde au mollet de ses amis à lui, de ses amis à elle, des gens bien vêtus qui savent mon nom? Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas qui savent mon nom et me tirent bonnement les oreilles. Je vais les nouveaux visages. Oh, je ne les aime pas non plus, quoi que tu dises. J'aime elle et lui. J'ai toujours été très passionnée par les animaux et toute mon enfance, c'est la seule chose qui m'est manquée pendant mon enfance. J'étais donc fille unique et j'ai passé mon temps à demander des animaux, à demander un chat, à demander un chien, à demander... Et je ne sais pas pourquoi, mon père n'a jamais voulu que j'aie un animal. Ce qui fait que quand j'étais à Nancy, très petite fille, on avait des voisins en dessous qui avaient un petit fox. Et ce petit fox, je me l'étais presque approprié tellement que je l'emmenais au lycée avec moi. Le lycée était, il y avait juste une place à traverser. Et Bobby venait avec moi au lycée. Les premiers temps, le concierge a bien essayé de le renvoyer, mais comme il rentrait par la fenêtre, ou qu'il... enfin bon, finalement, on s'est habitué. Et toutes mes premières petites classes, je les ai faites avec ce chien du voisin qui ne quittait pas. Et puis je retrouvais un chien chez ma grand-tante quand j'étais en vacances à la campagne. Et curieusement, quand j'ai eu 17 ans et que j'ai quitté mes parents pour venir à Paris... Il n'y avait pas 15 jours que j'étais partie, que ma mère a ramené un chien à la maison. Et ils sont devenus complètement gâteaux de ce chien. Et moi, évidemment, à Paris, dès que j'ai eu une voiture, parce qu'il fallait que j'aie une voiture pour avoir un chien, il fallait que je l'emmène partout, j'ai en tournée, j'ai trouvé un chien errant à Marseille, c'était mon premier chien. Et après, j'ai toujours eu des chiens, des chats, après, j'ai toujours eu des animaux. Et alors, ces dialogues de bêtes... En même temps, je trouve que c'était merveilleusement écrit et en même temps, ça ne faisait pas... Parce que très vite, à 10 ans, je n'avais plus envie de lire ce qu'on appelle les livres pour enfants. Je voulais lire des livres pour grandes personnes. Alors, ces dialogues de bêtes, ça me semblait être en même temps un livre pour grandes personnes. C'était un livre bien écrit et en même temps, peut-être que j'y trouvais ces animaux que je ne pouvais pas avoir... Alors, je sais pas, c'est peut-être pour ça que ces dialogues de bêtes m'ont particulièrement touchée, parce que je rêvais d'animaux et on voulait jamais que j'en aie. Voilà, je pense que ça vient de là. Moi, j'aime lui. Et elle. Oh, il y a longtemps que j'ai deviné ta préférence. Il y a entre toi et lui une espèce d'entente secrète. Kiki la Doucette, souriant, mystérieux et abandonné. Une entente, oui, secrète et pudique et profonde. Il parle rarement, gratte le papier avec un bruit de souris. C'est à lui que j'ai donné mon cœur avare, mon précieux cœur de chat. Et lui, sans parole, m'a donné le sien. L'échange m'a fait heureux et réservé. Et parfois, avec ce bel instinct capricieux et dominateur qui nous fait les rivaux des femmes, j'essaie sur lui mon pouvoir. À lui, quand nous sommes seuls, les oreilles diaboliques pointées en avant, qui présagent le bon sur son papier à gratter. À lui, le tap-tap-tap des pattes tambourinantes à plat au travers des plumes et des lettres éparses. À lui aussi le miaulement insistant qui demande la liberté. L'hymne aux boutons de porte, dit-il en riant, ou encore la plainte du séquestré. Mais à lui seul aussi la contemplation tendre de mes yeux inspirateurs qui pèsent sur sa tête penchée. jusqu'à ce que son regard appelé cherche et rencontre le mien dans un choc d'âme si prévu et si doux que je clos mes paupières sous une honte exquise. Elle s'agite trop, me bouscule souvent, me vanne dans l'air, pas de réunis deux par deux, s'énerve à me caresser, rit haut de moi, imite trop bien ma voix. Tobichien ému d'indignation. Je te trouve difficile. Assurément, je l'aime, lui, qui est bon, qui détourne les yeux de mes fautes pour n'avoir pas à me gronder. Mais elle, c'est ce que je vois au monde de plus beau, de plus cher et de plus incompréhensible. Son pas m'enchante. Ses yeux variables me dispensent le bonheur et la tristesse. Elle est pareille au destin et n'hésite jamais. Les tourments même de sa main. Tu sais comme elle me taquine. Durement. Non, pas durement. Mais finement. Je ne puis rien prévoir. Ce matin, elle s'est penchée comme pour me parler, a soulevé mon oreille de petit éléphant et a jeté dedans un cri pointu qui est descendu au fond de ma cervelle. Horreur ! Était-ce bon ? Était-ce mauvais ? Et maintenant encore j'hésite. Cela a déchaîné en moi une folie circulaire de nervosité. Presque chaque jour, sa fantaisie exige que je fasse le poisson, soulevé dans ses bras et l'étreint mes côtes jusqu'à la suffocation, jusqu'à ce que ma bouche muette s'ouvre comme celle des carpes qu'on noie dans l'air. Je la reconnais bien, là. Soudain, je me sens libre et vivant, vivant par le miracle de sa seule volonté. Que la vie, alors, me paraît belle. Comme je mâchouille sa main pendante, l'ourlet de sa robe. Le joli jeu. Tout le bien et tout le mal me viennent d'elle. Elle est le tourment aigu et le sur-refuge. Lorsqu'épouvantée, je me jette en elle, le cœur fou. Que ses bras sont doux et frais, ses cheveux sur mon front. Je suis son enfant noir, son Tobichien, son tout petit amour. Pour me rassurer, elle s'assoit par terre, se fait petite comme moi, se couche tout à fait pour m'enivrer de sa figure au-dessous de la mienne, renversée dans sa chevelure qui sent bon le foin et la bête. Comment résister alors? Ma passion déborde. Je la fouille d'une truffe énervée. Je cherche, trouve, mordis le bout croquant et rose d'une oreille. Son oreille. Jusqu'à ce qu'elle crie chatouillée. Toby, c'est terrible! Au secours, ce chien me mange! Saine joie. Brutale et simple. Et tu t'en vas ensuite faire la cour à la cuisinière. Et toi, à la chatte de la ferme. Assez, je te prie. Ceci ne regarde que moi. Et la petite chatte. Une jolie conquête. Tu devrais rougir, une chatte de 7 mois. Un fruit vert. Une baie sauvage, te dis-je. Et personne ne me la volera. Elle est svelte autant qu'une rame à pois. Tobichien à part. Vieux polisson. Longue et balancée sur de longues pattes, elle va du pas incertain des vierges. Le dur travail des champs, elle y chasse le mulot, la musaraigne, voire la perdrix, a durci ses jeunes muscles, assombri un peu sa figure d'enfant. Elle est laide. Non point laide, mais bizarre. Un museau de chèvre aux narines roses, coiffé d'oreilles d'âne à la mode paysanne. Des yeux latéraux, couleur d'or ancien, dont le regard vif trébuche souvent dans un piquant strabisme. De quel cœur elle me fuit, confondant sa pudeur avec l'effroi. De mon côté, je passe lentement, on dirait indifférent, drapé dans ma robe splendide dont les rayures l'étonnent. Et l'y viendra. À mes pieds, la petite chatte enamourée qui aura jeté toute contrainte et se roulera sous moi comme une écharpe blanche. Moi, je veux bien, tu sais. Ici, les choses de l'amour me laissent relativement froid. L'exercice physique, mes soucis de gardien, je ne pense guère à la bagatelle. La bagatelle, comme y voyageur, va. Et puis je peux bien t'avouer, tu vois comme je suis petit. Eh bien, par une guignée invraisemblable et pourtant vraie, je ne rencontre aux alentours que de jeunes géantes. La chienne de la ferme, une grande diablesse bâtarde aux yeux jaunes, m'accueillerait comme elle accueille n'importe qui. Dévergondée, oh ça! Mais bonne fille, odorante, et cette espèce de charme exténué et canaille, ses regards affamés de louve douce. Hélas, je suis si petit. Chez les voisins, je connais encore une Danoise placide, vertigineuse comme une Alpe, une bergère qui n'a jamais le temps à cause de son métier, une chienne d'arrêt nerveuse qui mord tout à coup, mais dont les yeux sauvages promettent l'ardeur. Hélas, hélas, j'aime mieux n'y plus penser. C'est trop fatigant. Revenir surmené et non satisfait, battre la fièvre toute la nuit, assez. J'aime elle et lui, dévotement, d'une passion émue qui me grandit jusqu'à eux. Elle suffit d'ailleurs à occuper mon temps et mon cœur. L'heure de la sieste passe, chat, mon méprisant ami, que j'aime pourtant, et qui m'aime. Ne détourne pas la tête. Ta pudeur singulière s'emploie à cacher ce que tu nommes faiblesse, ce que je nomme amour. Crois-tu que je sois aveugle? Lorsque je reviens avec elle vers la maison, j'ai vu 20 fois derrière la vitre ta figure triangulaire s'éclairer et sourire à mon approche. Le temps d'ouvrir la porte, tu avais déjà remis ton masque de chat, ton joli masque japonais aux yeux bridés. Peux-tu le nier? Kiki la Doucette résolut à ne pas entendre. L'heure de la sieste passe. L'ombre conique des poiriers croît sur le gravier. Tout notre sommeil est parti en paroles. Tu as oublié les mouches, ton estomac inquiet, la chaleur qui danse en ondes sur les prés. Le beau jour lourd s'en va. Déjà l'air s'émeut et courbe vers nous l'odeur des pins dont le tronc fond en larmes claires. La voici. Elle a quitté son fauteuil de paille et tiré ses bras gracieux. Et je lis l'espoir d'une promenade dans le mouvement de sa robe. Tu la vois derrière les rosiers? Elle casse de l'ongle une feuille de citronnier, la froisse et la respire. Ah, je lui appartiens. Les yeux fermés, je devine sa présence. Je la vois. Elle est tranquille et douce. Pour un instant. Je sais surtout qu'il la suivra de près en quittant son papier. Il sortira en l'appelant « Où es-tu ?» et s'asseoira fatigué sur le banc. Pour lui, je me lèverai avec politesse et j'irai carder de mes ongles la jambe de son pantalon. Silencieux, pareil, heureux, nous écouterons tomber le jour. Et puis ce sera le moment d'aller dormir. Lecture d'enfance. Sentimentalité. Extrait des Dialogues de Bête de Colette. Par Catherine Sauvage. Gérard Servet. Pierre Monteil. Sylvie Migaud. Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.